Pour vos différents besoins en électricité, c'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter. Que ce soit pour vos travaux résidentiels, commerciaux ou industriels, les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini, le propriétaire des entreprises Rodrigue Piquette rappelle que l'achat local est vital pour protéger nos... Il a remporté sa 100e victoire en fin de semaine avec les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est le gardien de but original d'Allemagne, Samuel Harvey. C'est quand même 100 victoires dans les Jumeaux du Québec. C'est quand même un bel honneur, un bel accomplissement. Salut Samuel! Salut Danny! Samuel, 100 victoires. En début de carrière dans la Ligue de hockey Jumeaux du Québec, est-ce que tu aurais pensé que tu aurais gagné 100 victoires? Non, je pense pas que j'aurais pensé ça au début. Là, quand j'ai commencé à 16 ans, là, mon but c'était de bien faire suite, pas trop penser justement à mes statistiques, à mes victoires, mais tu sais, quand plus grand ça dans la ligue, je voyais que je m'approchais un peu de ce plateau-là, donc ça devenait de plus en plus possible, mais je pense pas au début, j'aurais pensé que j'aurais pu aller à ce plateau-là. Sans rien t'enlever, t'as eu des bonnes équipes, pareil, puis ça va avec l'un va pas sans l'autre. Tu peux pas accomplir des accomplissements même sans avoir une bonne équipe derrière aussi, là. Ouais, exactement, je pense que c'est ça, là. La raison pourquoi je prendrais le temps de voir, c'est que j'ai des équipes extraordinaires derrière moi, qui gardent devant moi. J'ai des excellents coachs. C'est vraiment pour ça. C'est un travail d'équipe qui est vraiment conscient de moi là-dedans. C'est des gens qui m'ont aidé. C'est un peu un honneur que j'ai partagé avec tout le monde. C'est ce que je disais au gars justement après le match, que je les remercie beaucoup parce que c'est un honneur qui leur a donné. OK. Dis-moi maintenant, les Huskies de Rouyn-Noranda, encore cette année, vous avez perdu Gilles Bouchard, mais encore une fois, vous avez une bonne formation encore cette année. C'est vraiment une des bonnes organisations de la Ligue. Oui, c'est certain. Écoute, on a perdu Gilles, on est allé chercher un entraîneur de qualité avec Sergio Pouliot. Je pense qu'on a un groupe de poids aussi qui était à maturité, donc ça paraît cette année, notre petite saison, notre bon début de saison. Au-delà de ça, le compte de notre propriétaire. On a un excellent propriétaire qui est prêt à faire les sacrifices pour qu'on soit bien les joueurs. Tout ça. Donc, c'est un peu une mentalité là, d'organisation qui s'est installée au fil du temps. Pour le moment, ça porte plus puis on est content. Les joueurs sont contents d'être en deuil qu'on est bien traité puis ça. Puis je pense que. On est content de venir à l'arena et de travailler fort. La Huskies Game, comme Gilles Bouchard se plaisait d'appeler. Cette année, tu as 20 ans, donc à 20 ans, un joueur à 20 ans, normalement, il va pour du leadership. Normalement, quand il est dans l'équipe, j'imagine que c'est le rôle que Mario Pouliot attend de toi cette année. Oui, exactement. Regarde, c'est un peu ça, les gars de 19-20 ans dans une équipe. C'est souvent eux qui vont être des vétérans et que les jeunes vont regarder plus tout ça. Je pense que Mario nous a rencontrés, il a comme créé un groupe là, de 6 leaders. Oui, je suis dedans, les 20 ans, on est tous dedans. Il veut vraiment qu'on montre l'exemple et que les joueurs les plus jeunes nous suivent. Fait que, c'est bien connu que les plus vieux, c'est les joueurs vont les suivre, mais c'est ça le job à nous autres là, de bien faire à chaque jour, faire les petits détails, montrer comment il faut travailler et tout ça. C'est un peu notre but, puis on va continuer toute l'année à faire ça. OK. Samuel, évidemment, tu as participé au camp des recrues du Canadien. J'ai essayé de te rejoindre. D'ailleurs, comment ça a été? Je sais que tu as été retranché dans la première semaine. Toi, j'imagine que tu as accepté l'honneur parce que de là, ce camp d'entraînement-là pour te faire voir également. Est-ce que qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec les recrues du Canadien? Oui, c'est ça. Écoute, ça a été un camp quand même assez chargé là. Mais on était un peu on avait des activités un peu tout le temps, donc c'est sûr que ça a bien été. J'étais allé au camp des recrues, après ça les Canadiens m'ont gardé pour le camp principal. J'ai commencé le camp principal avec eux. J'ai pas eu la chance de jouer les matchs en concours, mais j'ai quand même participé aux pratiques avec eux. Ça a super bien été. Mon tournoi des recrues, j'ai eu mon premier match. J'avais des adaptations un peu à faire, c'est normal, c'est un autre niveau. Puis à mon deuxième match, j'avais super bien été. Puis c'est vraiment des belles expériences. Puis écoute, Montréal, c'est une organisation de première classe. Là, fait que on a été super bien traités. Puis je retire que du bon de ce camp-là. Maintenant, je pense qu'eux vont garder un œil sur moi, puis moi, mon but, c'est de bien faire junior majeur, puis on va voir ce qui va se passer. Si c'est pas avec Montréal, ça sera avec une autre équipe, mais ouais. Mon but, c'est de signer un contrat cette année. Dis-moi, si on parlait un peu de, justement, est-ce que l'Europe est une alternative? Je te dirais que pour le moment, non. Je vais vraiment regarder ce que j'ai au niveau nord-américain professionnel. Si okay. jamais j'ai rien de ce côté-là, je risque de m'en aller universitaire. L'Europe n'est pas pour le moment une option. Si jamais j'ai allé universitaire, puis après mon parcours universitaire, j'ai des belles offres en Europe, peut-être, mais pour le moment, je regarde pas trop ça, non. Parce que c'est quand même. L'Europe peut être une alternative très intéressante. Il y a des joueurs qui ont gagné qui ont fait une très belle. Des Québécois qui ont fait une très belle carrière, puis une très belle vie en Europe, là. Puis c'est pas une alternative. C'est loin d'être un déshonneur, là. Non, je pense qu'il y a, écoute, il y a des très belles ligues en Europe. Ouais. Je connais une couple de gars qui sont allés là-bas. Je parle souvent à Christian Ouellet qui est en Europe. Ouais. Il aime vraiment ça. Je pense que, regarde, c'est un avenir, mais peut-être pour plus tard. Je pense que okay. pour le moment, c'est vraiment à côté nord-américain. Je veux essayer de me rendre plus loin là-dedans. Puis je veux vraiment vivre mon rêve. Maintenant, si j'ai rien de ce côté-là, je vais aller à l'université, je vais aller me chercher un bac. Puis après ça, si je ferme pas les portes pour l'Europe après. Mais l'important, si je rien côté professionnel ici, je vais aller me chercher là, un bac ou quelque chose comme ça là, pour okay. être après ça, avoir un plan B. Là. OK. Samuel, gros félicitations encore une fois. 100e victoire, c'est quand même pas un honneur à dédaigner. Et au plaisir de se reparler tout au long de la saison. Parfait, merci beaucoup, Danny. Le gardien de but originaire d'Alma, Samuel Harvey.